Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Yellowman et aka Christophe et Cédric de pixelfright.fr. Bienvenue pour ce troisième podcast dont le sujet sera le rétro gaming. Et aujourd'hui, on a un invité de marque. On a notre propre guest star d'exception, qu'on pourrait présenter comme le mélange entre la VGN et le joueur du grenier, mais en version canadien. Nous sommes avec Tester Alpha. Salut tout le monde. Bonsoir mais Alpha. N'en mets pas trop parce que tu t'es en train de Oh, un petit peu. Ben oui, quand même. Là, oh, il faut bien ça. Ouais. Voilà. Alors, pour le sujet de notre cast, pourquoi on a invité Tester Alpha? Nous avons décidé aujourd'hui de parler du rétro gaming. Alors, premièrement, Alpha, toi qui fais du rétro pour tes tests, pourquoi le rétro? Tu veux dire pourquoi moi je fais du rétro? Oui. Probablement parce que c'est ce que je connais le mieux, là. J'ai pas réussi à être à jour dans les nouvelle console, je n'ai pas de... Non, oui, c'est pas vrai. J'ai une Wii U, donc j'ai une console next-gen, mais Xbox One puis PS4, je penserais pas en avoir, puis la Xbox 360, j'en ai une, mais ça a été long avant qu'on l'ait, puis je joue pas vraiment, là, sincèrement, donc... Elle a plus l'air de prendre la poussière dans tes étagères. Oui, c'est pas mal ce qu'elle fait depuis longtemps, en fait. Ben voilà, c'est ce que je connais le mieux, c'est ce que je préfère, puis je ressens pas le besoin de me mettre à jour avec les nouvelles consoles. Donc je reste avec ce que je connais le mieux. Et en plus, on n'a pas fini d'en découvrir, hein. Juste sur la NES, il y a 800 titres, puis je suis pas mal certain que je suis pas capable d'en nommer la moitié, donc c'est certain qu'on en a encore pour longtemps à en découvrir, là. Je pense ensuite au Sega Saturn que j'ai pas et que ça mérite d'être découvert. Y en a plein, là. J'ai pas besoin d'une nouvelle console pour découvrir des bons nouveaux jeux. Moi, je peux faire tout ça dans le rétro, puis y en a plus que j'en demande. Même si c'est plus des mauvais rétro-jeux que tu vas jouer. Ouais, ben là, c'est ça. Là, ça, c'est pour le choix de la chaîne YouTube, là. Oui, effectivement, ces temps-ci, je suis plus dans les mauvais jeux. Mais de temps en temps, je me fais quand même un bon jeu rétro. Bon, c'est plus facile aussi pour faire de l'humour dessus, quand il est trop. Ben oui. Si le jeu est trop parfait, tu peux rien dire de drôle. C'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à dire dans ce temps-là. Ça ferait le plaisir. Mais... est-ce qu'on pourrait tous donner un petit peu notre propre définition de ce qu'est le rétro? Parce que cette définition change vraiment d'une personne à l'autre, et j'aimerais bien avoir votre avis. Par exemple, Alpha, pour toi, le rétro, il commence quand, il s'arrête quand? Il s'arrête à la Nintendo 64, pour moi. Mais effectivement, ça dépend de l'âge de la personne, puis de l'éducation, l'enfance de la personne. Moi, ça s'arrête avec la Nintendo 64, et quand ça commence, j'aurais envie de dire NES, parce que moi j'ai eu la NES quand, j'avais 2 ans, donc c'est vraiment là la toute première console pour moi. Sinon, c'est certain qu'Atari 2600, pour moi ça reste rétro. Mais avant ça, je dirais que c'est de la préhistoire. Donc... rétro, ouais, je dirais ça. Atari 2600 à Nintendo 64. Mmh. Et pour toi, Cédric? Je rejoins plutôt Alpha, oui, c'est aussi avec la Nintendo 64, les PS1 Nintendo 64, quand il y avait encore les cartouches. À partir de là, je trouve que ça commence, c'est à peu près à partir de là que commence la 3D. Je pense que c'est plutôt ça pour moi. Quand la 3D commence à débarquer, pour moi, c'est, on peut encore dire que c'est encore du rétro à partir de la PS2 à la rigueur, mais ça commence, dans la mesure où les jeux sont encore exploités de nos jours, surtout certaines licences, je trouve que, on peut plus vraiment parler de rétro. En tout cas, c'est mon concept. Par contre, comme Alpha, oui, la NES. À partir de la NES, oui. Est-ce que tu penses que dans quelques années, tu pourras dire que la PS2, c'est rétro? Ou bien si c'est une définition d'une personne à l'autre et que ça ne change pas avec le temps? Moi, je pense que c'est une définition d'une personne à l'autre. C'est ça. Donc, oui. Mais oui, toi, ta définition, Cédric, disons dans 10 ans, est-ce que, donc, dans ta définition, est-ce que PS2 va devenir rétro? C'est une bonne question. Je pense que oui. Oui, ça peut être amené à évoluer. Notamment parce que la PS2, elle était encore pas mal exploitée récemment en tuto. T'avais encore des jeux qui sortaient dessus. Ah ouais. Donc, je pense que oui, avec le temps, je pense qu'on peut prendre ça comme du rétro aussi. Déjà qu'on commence... Pour moi, par exemple, le rétro, la PS2 est déjà rétro. Parce que moi, ma propre définition, c'est dès qu'on ne trouve plus ni la console ni les jeux en magasin, elle passe déjà dans le monde rétro. Tu serais étonné, mais on en trouve encore des PS2. Oui, mais pas par ici, je te garantis. Donc, pour moi, en Belgique, en l'occurrence, d'un point de vue PS2, je n'ai plus de nouveaux jeux qui sortent, il n'y a plus de console en magasin, elle rentre déjà dans le rétro. Mais des consoles comme la PSP sont toujours vendues, des consoles comme la DS sont toujours vendues, mais elles sont toujours relativement en activité. Mais tout ce qui est avant, fatalement, on n'en trouve plus non plus. On trouvait. Je vais dire, oui. On trouvait plus de jeux PS2 il y a quelques mois en Belgique. Non. Pourtant, il y avait encore des Naruto, de ce genre de multiportage qui continuent à sortir dessus. Pas vu. Bon. Ça, c'est pas comme si je n'allais pas voir. Peut-être, ouais. Mais comme vous, pour moi, c'est le rétro commence aussi vraiment avec la période 8 bits. Puis NES Master System, c'est vraiment là où les gens, dont moi, commencent à regarder le rétro. C'est là où ça commençait à toucher le grand public, quoi. Avant, c'était plus des on va dire des nerds qui étaient au courant de tout ça. Notamment. Atari 2600, non, pas vraiment. Oui, bon, c'est ce que ça a commencé à démocratiser aussi à partir de là, on peut dire. Ouais. Bah, fallait bien commencer quelque part. C'est sûr. Maintenant, passons au sujet principal de notre petit débat. Le rétro gaming est grandi chaque jour. Pourquoi? Comment ça se fait que le rétro gaming devient aussi important à l'heure actuelle? Pourquoi tout le monde en parle? Pourquoi on le voit un peu partout alors que on est dans la guerre des nouvelles consoles? Pourquoi ce retour en arrière? C'est un effet de mode. Ouais, ben je sais pas. Moi, j'ai peut-être plus l'impression. Prenons mon exemple, disons. Quand j'étais jeune, je jouais à la NES, à la Super NES, et vers la fin de ma jeunesse, la Nintendo 64. Et là, récemment, j'ai terminé l'université, je me lance dans le marché du travail, donc j'ai un peu plus les moyens, et qu'est-ce qui m'intéresse? Moi, c'est le rétro, parce que ça me rappelle mon enfance. Mais là, donc, les gens qui, dans leur enfance, c'était la NES puis la Super NES qui dominaient, bien, aujourd'hui, je pense que ces gens-là sont en âge d'avoir les moyens financiers pour s'acheter ce qui les faisait triper dans le temps. Et donc, veux pas, peut-être que la demande augmente en partie à cause de ça. Oui. Peut-être. Oui, il y a une grosse prise de conscience aussi sur les anciens jeux qu'on n'a pas pu faire, etc. Il y a une grosse prise de conscience aussi sur l'histoire du jeu vidéo. C'est peut-être aussi pour ça que les gens commencent à s'intéresser à des jeux justement qu'ils n'ont pas pu faire à l'époque. Mm-hmm. Oui, mais je veux dire, comme pour ça, il y a aussi les émulateurs qui se sont démocratisés, qu'on peut installer sur quasi toutes les consoles maintenant. Oui, mais c'est pas pareil. Je vais faire mon vieux con. Pareil. Je vais faire mon vieux con, mais je préfère tenir une manette de NES que qu'un clavier de souris. Ouais, je plus soit des deux pouces. C'est mon cas aussi. La manette, c'est pas la même chose. Tu peux être dans ton fauteuil à jouer devant ta télé. C'est pas comme un ordinateur. Moi, je sépare console et ordinateur. Bon. Vraiment, là. L'émulation, ça permet de découvrir des jeux qu'on n'aurait pas eu entre les mains autrement. Mais je préfère la bonne vieille cartouche et la bonne vieille console sur mon plancher. Effectivement, c'est toujours meilleur. Mais je rejoins aussi Alpha sur le fait que dès qu'on entre dans la vie active, on commence à avoir, je vais dire, un peu plus de moyens financiers. Du coup, on essaie de s'intéresser aux jeux qu'on n'a pas pu avoir avant, qu'on voulait avoir, mais faute de moyens, on ne pouvait pas. Mais maintenant, les prix ont flambé pour les jeux rétro. Les jeux originaux, je parle. Ouais, ouais, D'une part, j'ai l'impression qu'il y a encore, malheureusement, beaucoup de gens qui ne savent pas qu'est-ce que ça vaut. Ça se voit souvent, là, des gens qui vont porter leur boîte de jeux rétro là, à un pawn shop ou bien à une espèce de place pour les dons, ou même des fois carrément aux poubelles. Puis pourtant, il doit y avoir des belles pièces là-dedans là, qui se perdent. Oui, c'est un truc qui est typique au Québec aussi. Il faut voir que l'effet du le rétro gaming est beaucoup plus présent en France. Pour être entre les deux, je suis français mais je vis au Québec. Mais pour être entre les deux, je peux te dire que le phénomène est beaucoup plus amplifié en France. Le jeu vidéo commence vraiment à avoir une certaine cote. Et t'as même déjà des enchères de vente aux enchères en France pour le jeu vidéo. Oui, il y en a eu récemment à Paris, effectivement, une grosse vente aux enchères. T'as des jeux qui sont partis à flamber. Par exemple, t'as un GoldenEye. Bon, on n'est pas trop sûr si le jeu s'est vraiment vendu ou pas, mais t'as un GoldenEye sous blister qui s'est vendu à 10 000 euros. Waouh. T'as des prix vraiment qui ont flambé en France. Faut dire qu'en France, t'as un système beaucoup plus, on utilise beaucoup plus eBay que comparé au Québec. Sur eBay, ce genre de truc, tout le monde vend tout et n'importe quoi. C'est pas comme ici où vraiment, tu faut vraiment chercher pour trouver des trucs rétro. Ouais, ouais. Ah, je confirme que sur eBay, de notre côté, c'est assez pointu là-dessus, avec aussi les prix qui sont très pointus. Mais personnellement, moi, j'ai fait des brocantes, enfin des vide-greniers organisés, et je fais ça de façon régulière. Et je vous confirme que on trouve parfois des perles rétro pour rien parce que les gens ne savent pas du tout ce qu'ils vendent. J'ai déjà vu des choses comme un Donkey Kong Country ou un Street Fighter 2 en boîte quasi neuf vendu à 1 euro pièce. T'es chanceux. T'es chanceux. Non, parce que c'est pas eu. Je suis arrivé trop tard. Parce que moi, les ventes, ici c'est un peu différent, c'est pas comme chez nous, des brocantes sont en pleine rue. C'est vraiment, il faut aller chez les gens, c'est ce qu'ils appellent des vides garages, c'est ça? Je crois. Attends, quand tu dis chez nous, là tu parles. Au Québec, pardon. Okay. En France, on appelle ça des marchés aux puces, et c'est vraiment des étals en plein milieu de la rue. C'est tout le long d'une rue principale. Alors qu'au Québec, c'est vraiment, enfin, de ce que j'ai pu voir, hein. Vente de garage. Oui. Il faut vraiment aller à chaque adresse pour visiter c'est complètement différent. Donc c'est beaucoup plus facile, même à la rigueur, parfois beaucoup plus dur de trouver des trucs. Ouais, ouais, ouais. Ben, ouais. C'est peut-être la densité de population qui fait que, ça fonctionne pas de la même façon. Parce que franchement, tous les vide-greniers que j'ai fait ici, j'ai jamais eu de chance. Non, il faut être très patient là. Cet été, j'en ai fait plusieurs parce que l'été, c'est ça que je fais. T'as bien raison. Et c'est quand tu es désespéré là. Je m'en souviens là, une journée, j'avais fait ça toute la journée. J'ai dû faire 35 ventes de garage dans ma journée. Parce que certaines villes dans le coin ici, où est-ce que dans la ville, tu as le droit de faire une vente de garage, mais seulement deux journées pendant l'été. Donc pendant ces deux journées-là, toute la ville en fait. Donc c'est là que tu vas passer toute la journée. Okay. Et j'ai dû en faire 40 dans une journée. Et wow. J'étais rendu à ma 35e et je n'avais là rien trouvé d'intéressant. Et j'étais découragé, puis j'avais le moral bas jusqu'à temps que j'arrive à ma 36e. Et là, bang, trésor. Là, il y avait une pile de CD de PS1 qui était là en parfaite condition. Je sais même pas si la personne avait joué avec. Enfin. Et dans ça, là, il y avait tous les bons RPG de la PS1. C'est-à-dire Final Fantasy VII Black Border, là, elle était superbe. Il y avait Final Fantasy VIII. Il y avait aussi lui il m'échappe. Tales ou oui c'est ça. Et écoute, il y en avait plein là. Jackpot. Puis là moi dans ma tête, je vais voir la personne. En me disant, bon, elle va bien demander 40$, tu sais, pour ça, mais tu fais quand même l'innocent, tu veux te faire le meilleur prix, là, tu sais. Et là, j'arrive, je lui demande c'est combien pour tout ça. Elle me dit 5$, là, je dis 5$ par jeu. Non, elle me dit 5$ pour tout. Oh, j'ai dû me retenir pour pas partir à hurler en... J'ai sorti 5$ tout de suite, hein, je me suis pas ostiné, tu me le diras pas deux fois, mais merci pour ça, et voilà. Et là, là, oh, j'étais énervé en sortant de là. Je t'imagine c'est volontiers. Non, oui, vraiment. Puis c'est dans ces moments-là, c'est quand t'es déprimé, puis tout va mal, que là, boum, enfin, ça paye, t'as pas fait ta journée pour rien. C'est clair. Tiens, je vais te poser une... une question qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a un marché de professionnels justement qui fait ces ventes de greniers ici au Québec pour les revendre ensuite? Parce que c'est un truc très fréquent en France. Absolument, oui. Il y a des gens là qui font ça pour vivre. Là, ils parcourent. On a un site de petites annonces en ligne là, qui s'appelle Kijiji. Oui, je connais. Il y a des gens qui, à la journée longue, là, ne font que scruter les annonces sur Kijiji, parce qu'il y a une section jeux vidéo, et puis il y a une section jeux vidéo classique. Alors, tous les gens qui vendent leur rétro, c'est là qu'ils mettent ça. Et de temps à autre, il y a une offre là, tout à fait ridicule qui est mise là par quelqu'un qui, clairement... ne sait pas ce qu'elle vend, ne sait pas ce qu'elle a en main, puis elle veut s'en débarrasser juste parce qu'elle est tannée de le voir. Tu sais, des fois, c'est la mère d'un fils, et puis là, qui a un fils, puis là, le fils est parti de la maison, il a laissé ses jeux. Sa mère, elle s'en fout, elle veut juste s'en débarrasser. Donc, elle met ça sur Kijiji pour quelques dollars, enfin, ce qu'elle vend, ça peut valoir des centaines de dollars des fois. Et bon, ces gens-là ne font que regarder les annonces. Et souvent, là, les annonces du genre, ça part en 5 minutes. Ouais, j'ai déjà essayé de faire... C'est incroyable. J'ai déjà essayé de faire un tour dessus. Pardon. J'ai déjà essayé de faire un tour justement sur ce site-là. Et, franchement, il faut y aller vraiment à la seconde près pour avoir le truc que tu... Il faut être là en permanence. C'est des fois j'y vais, puis tu finis par trouver quelque chose, mais c'est sans être une opportunité incroyable. C'est quand même bien, parce que parfois tu trouves un bon jeu en bon état que tu voulais, qui n'est pas trop cher, mais il est juste assez cher pour que le revendeur ne fasse pas vraiment de profit en allant l'acheter. Donc il est là, puis des fois ça vaut la peine. Mais oui, les gens qui ne font ça, qui font ça pour vivre, là, c'est ça qu'ils font essentiellement. Et puis, ils en vivent, oui, absolument. Ouais, ben je sais qu'en France, c'est une grande plaie, justement, dans les marchés aux puces. T'as des gens qui viennent à 6h du matin avant que les stands déballent leurs trucs et ils demandent directement s'ils ont des jeux vidéo. Et pour souvent, ils raflent tout avant que les gens viennent vraiment pour acheter. Ouais. Je confirme, je vois passer souvent et je fais ça aussi. C'est comme ça que j'ai pu avoir une Game Boy Advance à 2€. Oui, mais toi tu les revends pas à quadruple du prix après. Non, moi je les vends à des prix raisonnables. Enfin, ben, mes jeux rétro, je les vends pas, c'est surtout ça. Ben, c'est ça, eux ils y vont, ils achètent tout et n'importe quoi et ensuite ils les revendent à prix d'or sur leur site ou dans leur boutique. Ouais. Ouais, on a ça ici aussi, là, des marchés aux puces et puis les gens qui font ça sont toujours là, évidemment. Très tôt le matin, oui, absolument. Mais c'est, d'un certain sens, c'est peut-être bizarre à dire, mais des fois, j'ai le goût de les remercier, ces gens-là, parce que c'est peut-être grâce à eux qu'on a encore autant de rétro, tu sais. Si on n'avait pas, je m'explique, si on n'avait pas ces gens-là, peut-être que tous les gens qui voulaient se débarrasser de leurs jeux vidéo, si, disons, ils réussissent pas à vendre leurs choses... ça serait aller au vidange et puis bon, personne n'aurait retrouvé là le petit trésor. Mais tu sais, d'un sens, grâce à eux, on s'assure que tous les jeux vidéo qui sont vendus à quelque part, il y a quelqu'un qui met la main dessus. Il y a une forme de préservation d'une certaine façon. C'est ça, ouais. Puis c'est un cycle hein, dans un sens, parce que la personne qui achète ça et qui le revend, la personne qui rachète ça et bon, peut-être qu'elle finit par s'enlacer, et là, je suis pas certain, moi, que c'est tout le monde qui achète ces jeux-là aux revendeurs, qui les achète vraiment pour collection et pour regarder. Non, j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui ne font qu'acheter pour bon, le plaisir. Oui, je pense que la collection de jeux vraiment chers, c'est assez marginal. On trouve assez peu. La plupart, c'est vraiment pour rejouer les vieux titres qu'ils aiment ou juste pour découvrir quelque chose, quoi. Ben ouais. Enfin, c'est ce que je pense aussi. Parce que les gens qui aiment la collection, je veux dire, moi, je fais un peu de collection, puis la collection, là, je ne me la fais pas en allant voir les revendeurs, là. Tu sais, ils sont requins, ils sont pas particulièrement pour la qualité, là. Tu sais, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est le profit, acheter à bas prix, revendre à quadruple du prix. Ils sont là pour faire des sous, hein. C'est... Ben oui, c'est ça. Fait que, c'est vrai. Tu sais, les gens qui achètent à ces revendeurs-là, bah, c'est peut-être plus des gens, on va dire, grand public, là, qui sont pas avertis, disons, en domaine de jeux rétro. Alors que moi qui collectionne, quand je me mets en tête que je veux un jeu en bon état, dans tel état, je vais sur eBay, je m'assure de bien magasiner le jeu pour avoir la belle pièce et à un prix correct, là. Donc c'est ce que je fais, parce que les revendeurs, là, ouf, ça coûte cher, pas nécessairement... Mais ce sont ces gens-là qui font augmenter la cotation et le prix, finalement, des jeux. Ah ouais, ça, oui. Bah, c'est surtout qu'il y a une demande derrière aussi, hein. C'est surtout ça. C'est ça, la demande, j'ai l'impression qu'elle augmente, là, ces temps-ci, donc... Bah, à partir du moment qu'on parle de collection, qu'on a des reportages à la télé, je parle en France, qui parlent de collection, rien que la vente aux enchères, là, qui a engendré un surcotage de pas mal de jeux, c'est dingue. Ouais. C'est vrai, comme tu donnais l'exemple de GoldenEye sous blister à 10 000 euros, c'est clair. Faut y aller, hein. Pour des prototypes et ce genre de trucs, je comprends à la rigueur, ou pour des jeux qui sont vraiment rares, comme NES Championship par exemple, ou des trucs comme ça. Pour prendre les trucs vraiment rares. Mais quand c'est des trucs sous blister ou quoi, ça me perturbe, des jeux qui sont vendus à un tel prix. Bon, à la rigueur, après s'il y a des acheteurs, bon, pourquoi pas. Moi, je paierais pas ça pour un jeu, en tout cas. À la limite, si c'est pour faire œuvre de charité ou quelque chose, mais... Oui, ça, c'est autre chose. Mais juste pour avoir le jeu sous blister qui restera dans mon étagère, non, franchement, aucun intérêt. C'est peut-être une histoire d'investissement. C'est peut-être stupide, là, comme remarque, là, mais... quelqu'un qui a autant d'argent à flamber là, dans le jeu vidéo, peut-être que lui, il voit ça comme un investissement. Oui, il y a beaucoup de spéculation autour, ça, ben c'est sûr. Oui, bien sûr. Je vais acheter le jeu, je vais le garder chez moi pendant 10 ans, puis je vais le revendre deux fois le prix, et voilà, je me suis fait un investissement facile, et puis... Bon, il y a beaucoup de ça, à mon avis, aussi. Oui, bien sûr. Parce que, vu les codes des jeux, et les codes qui continuent à augmenter constamment, parce que moi, ça fait 10 ans que j'essaie de racheter, de regrouper quelques jeux rétro comme ça, et j'ai vu les prix qui augmentent et augmentent pour des trucs... parfois dans un état mais lamentable, malheureusement. Oui. Mais c'est vraiment étonnant. Et pour moi, ça s'intensifie de plus en plus. Bah, je te rejoins. Moi, il y a 5-7 ans, je commençais à vouloir agrandir ma collection Nintendo 64. Donc j'ai acheté des lots, je prenais ce qui m'intéressait, je revendais le reste. Oui. Bah, j'ai des Zelda en loose, hein, rien, juste la cartouche. Je les vendais à 4-5 euros. Aujourd'hui, tu les trouves même plus à ce prix-là. Je pense que le prix a quasiment doublé ou triplé. Zelda en loose, le Ocarina of Time, tu parles? Oui. Oh, je pense que quand tu le, à l'achat, en loose, une dizaine d'euros. Ouais, c'est ça, le prix est quasiment doublé en 5-6 ans. Et ça va pas en s'améliorant. Mais bon, ça dépend aussi du revendeur. Des fois, tu vas trouver des trucs pour rien. J'ai trouvé un Mario Kart pour 5 euros. Oui, ça, après, il faut bien chercher ce que tu achètes, c'est sûr. C'est comme disait Alpha. Il faut vraiment sélectionner ce que tu veux acheter. Mais aussi, comme on disait, Le fait, quand on fait des brocantes, d'aller voir directement avant l'ouverture de la brocante, les gens sont là, tu regardes un petit peu dans leur bac, ils se disent « Ah, ben, c'est autant de moins à déballer, ils font encore un prix. » Du coup, oui, mais ceux qui font vraiment du rétro, les revendeurs un peu plus spécialisés, ça marche pas comme ça. Et là, par contre, je vois aussi qu'il y a des grosses, grosses exagérations sur les prix. Quand on voit passer parfois... J'ai été surpris de voir une Nintendo 64 en boîte. Je me dis, bon, pourquoi pas. J'ai regardé la personne proposée à 40 euros. Et oui, à la limite, une console en boîte dans un état correct à 40€, mais en fait non, c'était vraiment un état, t'avais l'impression qu'il l'avait passé à la toilemmerie et qu'il avait mis du sable dessus, donc il a sûrement dû la retrouver au fond d'une pyramide égyptienne ou un truc comme ça. Bah c'est ça, souvent certains entendent parler que le jeu vidéo commence à avoir une certaine cote, à se faire un petit peu d'argent dessus, et t'en as qui ressortent leur vieil truc du grenier et qui pensent avoir une fortune entre les mains. C'est souvent ça aussi. Quand ça fonctionne. Ouais. Ouais. Est-ce que vous connaissez le site de Video Games Price Charting? Je pense que je suis déjà tombé dessus, mais... C'est assez intéressant, moi. J'utilise ça parce que tu as, sur ce site-là, de répertorier toutes les consoles, allant de l'Atari aux consoles les plus récentes. Et à l'intérieur des consoles, tu as tous les jeux répertoriés de chacune des consoles. Et là, on te fait une moyenne... de l'évolution des prix et ça roule depuis 2008 et donc déjà de 2008 à 2014 ça nous fait quand même 6 ans de données je crois que la façon de que ça fonctionne c'est que ça suit les prix moyens qui sont sur eBay par jour. T'as un site plus ou moins francophone là-dessus aussi. T'en as même deux, je pense. Mais ouais. C'est surtout utilisé par les professionnels. Toi, en tant que utilisateur normal, tu peux regarder un ou deux prix et après c'est bloqué pour la journée. Il faut vraiment t'abonner dessus. Ah ben non, sur Price Charting là, t'as accès à tout quand tu veux, c'est gratuit. Et comme là présentement, je suis dans le Nintendo NES, ok. Juste pour donner des chiffres là, septembre 2008. La moyenne des jeux de Nintendo NES se vendait 6,48$. OK. En 2008, septembre 2008. On va voir maintenant septembre 2013, donc 5 ans plus tard, la moyenne des jeux Nintendo NES est 15,43$. Et là, c'est le drame. C'est deux fois au moins le prix. Et ça va continuer. Et c'est encore en train d'augmenter, là, en 2014. En date de mars 2014, c'est rendu 16,42. Ça continue. Mais je dirais que c'est aussi un peu normal que ça augmente parce que les jeux prennent de l'âge, ils s'abîment, il y en a qui sortent tous les jours du circuit, donc ils deviennent de plus en plus rares. Ouais. Implicitement. C'est malheureusement ça, oui. Il y a aussi une prise de conscience de la part du public aussi que c'est pas juste des bouts de plastique justement que ça peut prendre une valeur avec le temps. Oui. Et puis il y a plein de gens qui découvrent le rétro maintenant parce que il y a ça, quand c'est on très regarde bien, d'ailleurs. C'est extrêmement bien quand on regarde avec ne serait-ce que les consoles virtuelles que l'on a sur la Wii ou sur les trucs comme le Xbox Live ou le PSN, ils ressortent des vieux jeux. Sur l'Xbox, sur le PSN, on a surtout des jeux PS1, etc. Mais aussi quelques trucs un peu plus anciens. Et les gens rachètent ça et du coup, tombent doucement dedans et ont envie de racheter une console. Et là, ne s'y connaissant pas forcément, achètent ça à des prix assez peu démocratiques. Et on recommence à faire augmenter le prix de tout. C'est l'effet de l'offre et la demande. Mais du coup, je me demande, est-ce que il n'y a pas parfois un jeu aussi des professionnels du secteur, sous-entendu des éditeurs, pour forcer des augmentations de prix des jeux rétro pour réduire un peu l'intérêt des joueurs vers ce rétro pour se diriger plus vers les consoles de maintenant? Non, je penserais quand même pas. Comment ils pourraient faire ça? Justement. Je vois ça. Concrètement, je ne sais pas comment ils pourraient faire ça. Je crois que leur meilleure chance, c'est de profiter de cette vague rétro-là pour nous proposer des jeux à caractère un peu rétro. C'est peut-être comme ça qu'ils vont nous attirer. Ouais, justement, pour faire revivre de vieilles licences, pour les remettre au goût du jour, pour les faire découvrir. Avec DuckTales, par exemple. C'est un très bon exemple. Remastered. Ouais. Mais oui, mais parce que quand on voit le prix de certains jeux sur les consoles virtuelles, c'est quand même aussi... Ah bon, ça c'est un cas à part aussi. Ça, si tu prends par exemple l'exemple de Nintendo qui ressort ses vieux titres à des prix assez affolants parfois, Ça, c'est même pas pour forcer le joueur, c'est surtout que l'éditeur a les dents un peu trop longues. Oui. Mais justement, du coup, est-ce que ça n'influe pas sur le prix du jeu en cartouche? Parce que le prix dématérialisé est déjà assez haut. Quel est le prix en cartouche? Ça dépend des types, je pense. Si tu vois les jeux Game Boy de nos jours, ça vaut pas grand chose. Tu les trouves facilement à 1 ou 2 euros, selon le cas. Mais quand tu les vois qu'ils les ressortent à 5 ou 7 euros sur les consoles virtuelles comme la 3DS, ça fait un peu peur. Je suis pas sûr que ça se soit en faveur de l'éditeur de gonfler les prix de cette manière. Ouais. Mais moi, j'ai aussi un ami qui va de temps en temps au Japon et il m'expliquait que quand il va à Akihabara, là, il trouve des dizaines, des centaines de jeux pour chaque console, mais à trois fois rien. Ah, c'est... Ça dépend encore. Ah, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est surtout, même là-bas, c'est en train de changer. J'ai écouté, il y a pas longtemps, un podcast de... Ah, je sais plus. En tout cas, Florent Gore, je sais pas si tu connais. Il participait, et justement, il va souvent au Japon. C'est un historien du jeu vidéo qui écrit notamment pour Pix & Love ou au Makebook. Et il nous expliquait que les prix, même là-bas, ont largement flambé aussi depuis la mode du rétro gaming. Par exemple, t'as des Virtua Boy, à l'époque, il y a une dizaine d'années, personne n'en voulait plus. Aujourd'hui, tu les trouves à 200 €, 200 $ sur eBay. Ouais, mais bon, c'est... Moi, j'en veux pas non plus. Moi, j'en voudrais bien une si tu me l'offres. Ben, ouais, je dirais pas non. Donc, c'est mondial. C'est vraiment... C'est pas juste Canada, c'est pas juste États-Unis, France. Après, c'est localisé selon les endroits. Il y a quelques variétés, mais globalement, les prix flambent un peu partout. Il y a vraiment une prise de conscience pour cette industrie. Oui. Moi, ce qui m'a fait rire avec ça, c'est que certaines consoles qui étaient boudées lors de la sortie ou qui n'ont vraiment pas fait un bon score au final, retrouvent avec le rétro une seconde jeunesse qui est très paradoxale. Je vais prendre comme exemple la Jaguar qui devient quand même un peu recherchée alors que la console au départ n'a jamais eu de grands jeux à part Alien vs Predator. Et maintenant... Moi, je vois ici, elle est quand même encore assez recherchée. Bah ça, c'est un peu l'effet de de la collection, je trouve. Quand t'as des consoles qui deviennent assez rares, je parle notamment de la N-Gage, je pense qu'elle est aussi pas mal recherchée, alors qu'il y a presque pas de jeux là-dessus. Soyons francs. Tu sais, étant donné que c'était pas fameux, il s'en est pas vendu beaucoup. Si tu veux t'en trouver une aujourd'hui, va falloir que tu payes le prix. Je parlais tout à l'heure de la Virtual Boy, c'est une console qui a le cul un peu entre deux chaises, justement, on sait pas où trop la placer. C'est une console de salon, une console portable, un jouet. Et pourtant, depuis quelques années, c'est une des consoles Nintendo les plus recherchées. Bah oui. Et pourtant, il y a presque pas de jeux dessus. Je crois qu'il y a une vingtaine de jeux ou un truc comme ça. Non, il y a pas 20 jeux. Même pas Ouais, quand même. Non. Il me semble qu'il y a une vingtaine de jeux dessus. Ouais. En fait, ça tournait plutôt autour de la dizaine, mais bon, admettons. Et pourtant, t'as des jeux très recherchés dessus, et pourtant pas les meilleurs. T'as des jeux qui sont très rares dessus, qui cavalent dans les 400 $, et pourtant c'est un des jeux les plus mauvais. Je crois que c'est un jeu de tennis ou un truc comme ça. Il y a exactement 18 jeux sur la Virtua. C'est ce qui me semblait, ouais. Ok. Quand même. Par contre, il y a une console qui n'a jamais perdu, qui n'a jamais baissé de prix, ou que ce soit la console ou les jeux, c'est... la Rolls du rétro, la Neo Geo. Ah, ça c'est un cas à part, ça. Oh, à part. C'est pas la console qui avait tellement d'ajouts, de périphériques à ajouter et tout ça. Non. Ou je confonds. La plus grosse console arcade. À l'époque, elle faisait... Oui, je vois le truc. Surtout les cartouches. Ah oui. Bah, je veux dire, à l'époque, elle coûtait autour de 1000 euros quasiment. Une console de luxe. C'est clair. Vraiment. Quand t'avais quelqu'un qui avait cette console-là, tu pouvais être certain, lui, il a du pognon. je t'avoue que c'est une des rares consoles que j'ai jamais touchée. Ah, moi, je l'ai touchée une fois et je m'en suis jamais remis. Et je recherche ça depuis, je suis pas possible. Et ils ont ressorti récemment une Neo Geo X ou Neo Geo Gold, je ne sais plus. Une version portable. Qui fonctionne avec des cartes SD, mais qui se met dans une station qui ressemble à la console Neo Geo avec le stick d'origine. stick d'origine. J'ai vu ça, ouais. La New Gold X ou un truc comme ça, non? Oui, la New Gold. Ah, elle a été très décriée. Mais oui, parce que le plastique déjà. Un truc qui a... Voilà, c'était pas le plastique très, très est... bonne qualité. Ouais, en plus ça fonctionne sous un mini émulateur qui est pas fort vraiment à eux. Enfin, il y a plein de problèmes avec ces trucs, avec cette console, notamment avec l'écran qui est recadré. Enfin, il y a plein de trucs qui fonctionnaient pas bien. D'ailleurs, je pense qu'elle est même plus en production. Le SNK a retiré la licence à ceux qui la produisaient ou un truc comme ça. Mmh. Il y a eu. Toujours pour revenir sur cette Neo Geo, c'est quand même la console qui est toujours ultra recherchée et dont chaque jeu est super cher. C'est là, clair. Ça se compte en centaines d'euros. Ah bah t'as vu la taille des cartouches aussi. Il faut dire que les cartouches étaient énormes parce que les cartouches contenaient tout le processing et les mémoires, etc. nécessaires pour faire tourner le jeu. Il n'a pas dû s'en... C'est la seule console où tout le matériel était dans la cartouche. Bah, il n'a pas dû en être produit des masses non plus de ces cartouches, c'est peut-être pour ça aussi. Je sais pas si... Toutes les bandes d'arcade de l'époque fonctionnaient aussi avec ces cartouches. Ok, ok. Les MVS fonctionnaient comme ça, donc... Il s'en est vendu combien de cette console? Il y a beaucoup de gens qui... Oh, vu le prix, je pense pas qu'il y en a énormément qui se soient vendus, mais elle a quand même bien marché, parce que, comme je disais, le prix des cartouches était déjà conséquent, donc c'est une console de luxe, mais à mon avis, il faisait énormément de bénéfices en arcade. C'était toutes pas les bandes d'arcade, c'était juste une Neo Geo qui était dedans avec une cartouche. C'était pas 1500 ou 2000 francs la cartouche, un truc comme ça à l'époque? Oui, oui. Si, si, si. C'est combien ça, 1500 francs? Je m'excuse, j'en ai oublié. Ça doit faire 300 euros, un truc comme ça? Oui, 300-400 euros. Ouais. Pour une cartouche? Ouais. Oui. À l'époque, hein? Yaou! Il me semble que 600-650 francs, ça fait 100 euros, un truc comme ça, donc. Oui, mais quand t'as acheté une cartouche, riche. T'as acheté une bande d'arcade, hein? Eh oui, effectivement, il fallait vraiment. Waouh! Ça coûtait la peau. Ah oui. C'est ça, c'était avancé pour l'époque, faut croire. Mais si tu es encore sur ton site de tout à l'heure de ranking, je te... Ah oui, on va aller voir. Regarde un petit peu. Je suis curieux de savoir. Une console qui a eu un regain aussi, c'est la Dreamcast. Ah, ça c'est tant mieux. Mais la Dreamcast, c'est toujours mon coup de cœur, cette console. Et mon plus gros désespoir. Oh, elle était trop en avance. Il y a des prix assez élevés, hein. Ouais. Ça ne m'étonnera pas. Disons que il y en a plusieurs dans les 500$, en fait, là. J'en ai eu 1525 ici. Ah, et ça, c'est pour une cartouche loose qui est celle-là, usagée. C'est quel titre? Last Blade 2. Ah oui, c'est normal. Ah oui, vous connaissez, ok. Bon. Ah oui. Mais en fait, la Neo Geo, c'est surtout la console des jeux d'arcade, des jeux de combat, et des jeux de tir, ce genre de choses. Ouais. Donc c'était vraiment tout ce qui fonctionnait en arcade. Ouais, t'as beaucoup de shoot'em up et de Metal Slug, oui, le genre de trucs dessus. Ça, ouais, j'ai les Metal Slug ici, le Metal Slug Fury. 3, c'est 800$. Ouais. Le 5, c'est 500$, quand même, tu sais, c'est un prix, là. Disons que quand tu collectionnes ces jeux, tu te restes à ça, je pense. Tu collectionnes rien à côté. Quand tu collectionnes ces jeux-là, ta collection est cotée en bourse. C'est ah clair. Ouais. Non, mais il y a beaucoup de gens, j'en ai connu, qui rachetaient des vieilles bandes d'arcade pour avoir la Neo Geo. Donc ils récupéraient une borne d'arcade et à ce moment-là, ils pouvaient plugger, parce qu'il y en avait même certaines où tu pouvais plugger jusqu'à 6 cartouches dedans. C'était beaucoup plus abordable que d'acheter la console. J'imagine. Parce qu'une vieille borne d'arcade, tu peux trouver ça parfois à 100-200 euros avec la cartouche dedans. Mmh. Mais bon, ça prend un peu plus de place. C'est sûr. Mais quand on sait se débrouiller puis aller jouer dans ça, bah oui. Oui, c'est sûr. Bon, oui. Mais même là, l'arcade aussi, c'est dommage que... Enfin, c'est dommage. Moi, je vois qu'il y a encore quelques expos qui se font, surtout en France, sur le rétro gaming. Et là, on ressort souvent des vieilles bandes d'arcade qui fonctionnent toujours et qui ont toujours leur place dans des trucs comme la Cité des Nuages. Oui, mais t'as beaucoup d'expos qui se font en ce moment. D'ailleurs, il y en a une qui vient d'ouvrir, mais dont le nom m'échappe. Des fois, je me dis pourquoi je suis pas né en France. Ben, t'as eu une expo il y a pas longtemps à Québec ou Montréal, non? qui a été fait par MO5. Quelle est vite comme ça, ça Ah, le nom m'échappe. Le nom m'échappe. Le nom de l'expo m'échappe, mais je sais qu'MO5 a justement ouvert, a participé avec je sais plus trop qui pour ouvrir une expo de jeux vidéo rétro à Québec ou Montréal il y a l'année dernière. Ah, ouais. Ok, est-ce que tu parles du musée de la civilisation? Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, effectivement, je suis allé là. Je sais qu'MO5 est très, très actif, justement, dans la préservation et dans tout ce qui a trait à l'industrie du jeu vidéo pour la préservation, l'histoire et tout ça. Et ouais. ils sont devenus très cotés en ce moment pour faire des expositions. T'en as pas mal en France en ce moment? Oui, c'était vraiment chouette, en fait. D'ailleurs, il y avait une Neo Geo qui était là. C'était quand même intéressant là, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues avant. Ouais. Et leur concept justement, c'est qu'on peut jouer au jeu dans ces expositions. C'est ça qui est chouette avec. Bah oui, bah ça permet aussi justement au grand public de découvrir un petit peu ses ancêtres, voir ses dinosaures. Ben, on s'imagine pas, mais l'industrie du jeu vidéo a quand même un sacré histoire avec eux. Et souvent des choses qu'on connaît même pas, c'est ça le pire. Et c'est souvent ça le plus intéressant aussi. Ben, faut dire, à l'époque, j'ai parlé de l'époque de la NES, de la Master System et même de la Mega Drive, la publicité, comme c'était encore quelque chose assez restreint comme monde, les gamers n'étaient pas trop étendus. On ne connaissait pas tout ce qui sortait, et il y avait juste quelques magazines qui référençaient les jeux qui sortaient, et ils n'étaient pas toujours au fait de l'actualité, ils ne pouvaient pas sortir tout. Si t'as un magazine de 50 pages, tu peux pas sortir, si t'as 50 jeux qui sortent, tu peux pas mettre un jeu par page non plus. Tu dois mettre de la pub, tu dois mettre un petit peu d'informations, etc. Bon, c'était des magazines très ciblés aussi. Ils reprenaient les grands du moment, mais derrière, t'avais plein d'autres qui fonctionnaient aussi. Oui, mais tu prends un truc comme, je vais citer ceux que je lisais, Joypad, Tilt, trucs comme ça, ben, même comme ça, tu ne pouvais pas avoir tout. Avec la bulle Internet a permis de faire éclater justement ce phénomène, et on redécouvre énormément de titres. C'est clair. Surtout avec les émulateurs. J'écoutais justement l'autre jour le podcast d'Accro des Jeux, où Alpha a participé, où ils ont traité des vieilles consoles. Il y en a beaucoup que je connaissais pas dedans. On découvre des trucs assez inimaginables, pardon. C'était le podcast sur les consoles obscures, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah oui, puis il y en a plus qu'on pense, hein. Je suis sûr qu'on en a omis, là, des dizaines. Vous avez pas parlé du Virtual Boy. Ah non? Ben, on en a peut-être parlé rapidement. Non, mais, tu sais, le Virtual Boy, c'est une console obscure, mais il y en a, là, des... vraiment le plus obscur. Bah je sais, sur le chat, il y avait je sais plus qui vous citait plein de trucs. Ah là, les trois quarts de ces trucs-là, j'avais jamais entendu de ma vie. Ouais, c'est ça, on tapait sur Google, je sais quoi, mais mon Dieu, ça existe. Et c'est justement ça qui est intéressant, de pouvoir redécouvrir des vieux trucs, justement, qu'on n'a jamais, même à l'époque, qu'on n'a jamais découvert ou qu'on connaissait même pas. Et on les redécouvre aujourd'hui et on se dit, mais d'où ça sort ce truc? Et parfois, quand on le découvre, on se dit « Ah bah, c'est tant mieux, je l'ai pas découvert à l'époque. » Ah, il y a de ça parfois aussi. Mais c'est vrai que le rétro n'a pas fini d'en faire le tour. Malgré tout ce qu'on peut connaître, malgré toutes les possibilités maintenant, comme je disais, avec les émulateurs, les sites comme eBay, les vides-greniers, etc. Bah, on trouve toujours des choses qui vont nous étonner. Bah, t'as même beaucoup de consoles qui sont pas encore émulées, justement. C'est ça, le truc. T'as beaucoup de consoles très obscures qui... ils seront jamais émulés parce que personne s'y intéresse. Et c'est justement ça le plus intéressant, de découvrir ces vieilles consoles, de ce qui avait pu être fait dessus. Donc certains ont des concepts vraiment bizarres, mais à l'époque, ça pouvait peut-être fonctionner. On va savoir. Oui, il y a des choses quand même qui... C'est tellement un grand domaine qu'on peut pas tout connaître. Pas plus tard que, je crois, c'est en 2010, on a découvert... une nouvelle cartouche de Nintendo 64 qu'on ne connaissait pas avant. En 2010, je sais pas, peut-être vous avez entendu parler de cette histoire-là. C'est le jeu en question, c'est Turok 2 Rage Wars sur la Nintendo 64. Ça vous dit rien? Ça me dit vaguement quelque chose. En fait, l'histoire, c'est qu'originellement, cette cartouche-là était faite en noir. Le plastique de la cartouche était noir. Et sur la cartouche, il y avait un bug dessus. Et donc, la compagnie qui a fait ce jeu-là, le nom m'échappe. Ça doit enfin, être Acclaim. Oui, oui, c'est ça, exactement. Ils ont décidé de faire un rappel en disant aux gens, bon, si vous voulez nous renvoyer votre cartouche, on va vous renvoyer une cartouche réparée, là, avec où est-ce que le bug n'est plus là. Et très, très peu de gens ont répondu, mais eux, ils avaient quand même produit les cartouches de remplacement. Et les cartouches de remplacement étaient grises. Et là, c'est récent, c'est en 2010 seulement, donc environ 10 ans après, qu'il y a un employé de chez Nintendo qui a retrouvé cette caisse-là, il l'a ouvert, et là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé après avec la caisse, mais évidemment, ça s'est retrouvé sur eBay assez vite. Les gens sur YouTube ont commencé à s'affoler autour de ça, et là, cette cartouche-là, je sais pas combien il en existe dans le monde, il va en avoir peut-être moins d'une centaine, là. Et c'est fou, là. Ouais, tu peux les louper à 500$. Oh, là, c'est la folie furieuse, là. toutes les cartouches sont neuves. Ils les avaient fait produire, puis c'est resté là chez Nintendo, ça a pas bougé. Donc, c'est souvent ça. C'est incroyable des histoires comme ça. Tu sais, peut-être qu'on va se faire surprendre encore, là, prochainement. Là, tu sais, ils vont peut-être déterrer les fameuses cartouches d'Atari, là. Oh, ça, je compterai pas trop là-dessus. C'est ça. Pourtant, ils sont en train de faire un reportage. Exact. Récemment, ça a été accepté là. Oui, après que Microsoft a mis un peu les mains dedans. Ouais, ouais, ben ouais. Mais quand même. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont trouver. Pour ma part aussi, oui, je l'ai un peu suivi sur mon site, et c'est assez dingue. Et bon, il y a eu tout un méli-mélo, comme quoi ils voulaient pas, ensuite qui voulait, qu'il y a des produits polluants et tout ça. Et tout à coup, Microsoft veut faire un reportage là-dessus, et paf, hop, tout le monde est d'accord. Oui. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont trouver là-dessous. Ouais. Ça pourrait être pas mal, effectivement, ça pourrait être amusant. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il n'y a pas un représentant... Les travailleurs qui travaillaient dans Atari à l'époque, là, ils doivent pas tous être morts. Je veux dire, je sais pas, ça fait quoi, 35 ans que, grosso modo, là, ils bien avoir un employé d'Atari de l'époque qui est encore vivant, qui a toute sa tête, qui se souvient qu'il était là. Pourquoi? Oh, tu sais. C'est souvent assez... Personne qui se lève et qui dit « Ben non, regarde, j'étais là, c'est jamais arrivé, votre histoire, ça marche pas. » Le problème... À l'inverse, oui, on l'a fait. Allez creuser là, vous allez trouver, tu sais. Le problème, c'est souvent aussi de retrouver les gens, justement. Certains se sont éparpillés dans tous les sens. Je suis régulièrement le Florent Gore, justement, l'historien du jeu vidéo, qui fait des bouquins sur Nintendo. Et c'est super dur, parfois, de retrouver certaines informations. Ça doit certainement être le cas aussi pour ça. Et ce que je comprends pas d'ailleurs à l'époque, c'est pourquoi qu'ils ont pas recyclé ces cartouches pour d'autres trucs. C'est un truc qui m'échappe. Ils les ont oubliés. Oublié, je sais pas. Ils attendaient qu'on les appelle et puis voilà. Et le pire, c'est que les prix sont devenus dingues avec ces cartouches et personne nous a dit si le jeu était bon. Personne nous a dit si le jeu était bon. Oui, le fameux Turok 2. Ah, ok, oui, d'accord. Ah, ok, oui, je pensais qu'on parlait de la tête. Moi aussi. Ah, pardon. Parce que, E.T., je peux te dire que c'est pas un bon jeu. Non, mais ça, je crois que tout le monde est d'accord sur ce point. Et encore, il y a pire comme jeu, mais c'est celui-là vraiment qu'on a pris comme emblème. Ouais. Mais bon. Non, mais c'est quand même, il y a eu des mauvais... des mauvais moves, là, des mauvaises prévisions de la part d'Atari. Là. Tu sais, quand tu fais produire plus de cartouches que t'as vendu d'Atari là, depuis que ça existe, on s'entend-tu que... C'est un problème. Oui, t'as pas pensé à ta chose bien correctement. Là. Mais on rit, mais je suis sûr que s'ils arrivent à retrouver des cartouches entières, ils vont s'affoler sur le marché de la collection. Ben, j'ai l'impression, oui. T'imagines, parce que là, il y a personne qui le sait. Là. À l'eau de E.T. Qu'est-ce qu'on a enterré réellement? On s'attend bien à trouver beaucoup de E.T. peut-être qu'elle est Pac-Man. Est-ce qu'ils ont enterré autre chose, tu sais, quand tant qu'à être là? Bah, des prototypes ou des conneries comme ça, c'est fou. Bon, après, est-ce qu'ils sont encore entiers ou pas? Je sais qu'il y a des rumeurs comme quoi ils avaient passé le rouleau. Ouais. Le rouleau dessus. Moi, je sais pas pourquoi ils auraient fait ça. Imagine. T'es une compagnie, ça va mal difficilement, tu veux juste te débarrasser de tes cartouches. Tant qu'à perdre de l'argent, est-ce que tu vas décider d'en perdre encore plus à déchiqueter tes cartouches ou tu vas simplement les enterrer? Ah, tu peux avoir des obligations légales du genre recyclage ou quoi que ce soit. Bon, après, ils sont peut-être pas tous détruits aussi. Mais reste à voir dans quel état ils sont. Parce qu'ils sont... Si ça a vraiment eu lieu, là. Ouais, c'est surtout ça. Ils ont juste tout brûlé. Après, tu regardes, c'est juste le plus gros coup de bluff de l'histoire du jeu vidéo. Bah oui, t'imagines le documentaire. Finalement, on a rien. Ou alors on va voir arriver sur eBay, à vendre, E.T., bon état, à peine déchiqueté, juste un peu brûlé. Vas-y pour les retrouver après. Oui. Lesquels sont vrais ou pas. Oui. Mais concernant le rétro gaming, est-ce que vous pensez aussi que le changement de pas de culture, mais le fait que les joueurs de l'époque ont des enfants, etc., et qui veulent transmettre leur savoir, leur plaisir de l'époque, continuer à populariser le rétro gaming? Oui, je crois que oui. J'ai un ami qui, il a deux enfants et, non, trois. Et puis, ses enfants jouent au NES, là, littéralement. Puis, tu sais, on s'entend, là, pour un enfant de cet âge-là, et il a pas besoin de la Xbox One, là. Un Nintendo NES, pour lui, c'est aussi plaisant que ça l'était pour nous quand on jouait dans les années 80. Bah, à leur âge, un jeu, ça reste un jeu, quoi. Du moment qu'ils s'amusent avec. Qu'il y ait deux boutons ou six boutons sur une manette, ça joue pas grand-chose pour eux. Ben non, c'est... En fait, c'est quasiment un plus, parce que c'est simple, t'as deux boutons, t'en as pas 15. C'est clair. Bah, je le vois avec mon fils qui a 6 ans et qui commence quand même à s'intéresser aux jeux vidéo. Je le mets devant un Super Mario World, il s'amusera tout autant que s'amuser sur un Mario Galaxy sur la Wii. Pour lui, ça n'a aucune importance, c'est le même personnage, il s'amuse avec et c'est tout. Il y a vraiment... Le graphisme est un petit peu différent, mais... Le plaisir est là. Ben oui, c'est pas ça qui fait un jeu meilleur. C'est clair. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah zut, j'ai perdu mon fil. Ça va revenir. En tout cas, je sais que pour moi, c'est vraiment un potentiel de faire découvrir les anciens jeux à mes enfants. C'est vraiment, comme on disait, un système de préservation, mais à plus petite échelle. Pour moi, en ce qui me concerne, de vraiment découvrir ce qui m'a fait grandir et ce qui m'a fait que je me passionne tellement à ce média. Mais t'es certainement pas le seul à faire ça, donc ça va peut-être se passer d'une génération à l'autre qui, en principe, la nouvelle génération, c'est pas vraiment de leur époque, la Nintendo NES, mais... C'est clair. S'ils la découvrent et ils ont du plaisir avec ça, ben peut-être que pour eux aussi, plus tard, ça deviendra des bons souvenirs. Ils voudront s'intéresser eux aussi à ça. Là. Ouais, bah c'est clair qu'il y a quand même une grande part de nostalgie dans le rétro gaming. Ah oui. Ah, c'est sûr. Pas seulement. Justement, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Est-ce que vous pensez que, avec l'augmentation des périphériques, du nombre de boutons, de la complexité des jeux, enfin de la complexité de la maniabilité, et même avec l'aspect plus mainstream des jeux, est-ce que vous pensez pas que c'est ça aussi qui pousse un petit peu les joueurs un peu plus jeunes vers le rétro gaming pour trouver des choses, des jeux qui avaient peut-être une âme plus, ou un concept un peu plus farfelu, ou quelque chose que n'ont plus les jeunes maintenant, une difficulté ou quoi que ce soit? C'est pure hypothèse là, mais je crois que ça fait partie des raisons pourquoi, parce que tant qu'à être dans les hypothèses, peut-être que les jeux récents sont plus violents que ce qu'on avait. avait à l'époque. Là. C'est pas du ça. Parce non, qu'à l'époque, t'avais vraiment... Il y a plus de 100 maintenant, c'est certain. Oui, ça c'est oui, vu comme ça, oui. Oui, mais mes jeunes cousins, ses parents ne les empêchent pas de jouer à Call of Duty, là. Puis à GTA. Moi, sur ma NES, j'avais pas ça, Call of Duty et GTA, là. C'est sûr. Bah, il y a bien Carmageddon sur la 64. Ah, ben, non, je te garantis que mes parents ne me laissaient pas jouer à ça. Ouais. Un bon vieux Mortal Kombat, c'est par là que ça a commencé. La Sega, elle était violente. Ouais. La Sega, c'était plus justement un public un peu plus adulte, un peu plus mature que sur ce qui était NES. Ça a été toujours le cœur du combat entre Sega et Nintendo. Nintendo, c'était un peu plus gentillet, que Sega, c'était plus la castagne. Mais bon. Ouais. Mais moi, je connais des gens qui justement en ont eu un peu marre de tous ces Call of Duty et ces répétitions, tout, parce que finalement, c'est toujours le même titre qui arrive, avec juste une refonte graphique un petit peu, mais c'est même type de maniabilité, même type de logique, et ça revient juste avec du réseau, etc. Et repartez plus vers les jeux Mega Drive, Saturn, 64, etc., pour retrouver un plaisir qu'il n'y avait plus, des types de jeux qu'il ne retrouve plus maintenant. Ça dépend vraiment de la console. Parce que si tu regardes vraiment en arrière, t'as des séries qui sont vraiment aussi à rallonge, comme les Megaman et ce genre de trucs. On critique aujourd'hui beaucoup la reprise des licences, qu'on chaque année on revoit les mêmes licences, mais c'était un peu pareil à l'époque. T'as beaucoup de licences qui sont réutilisées. Ah, je suis tout à fait d'accord. Tu regardes les Sonic, tu regardes. Par contre, je trouve qu'à l'époque, on avait plus tendance à essayer des trucs. Les studios et tout ça, les développeurs avaient beaucoup plus de temps, étaient beaucoup plus restreints. Mais justement, maintenant, si tu veux ce genre de prise de risque, tu dois aller vers les jeux indépendants. Oui et non, disons que oui, d'une certaine façon, oui. Mais même là, dans le jeu indépendant en ce moment, je trouve qu'on commence vraiment à tourner en rond sur les concepts aussi. Par exemple, t'as un Braid qui fonctionne bien, t'as plein de clones de ce genre-là. Ça fonctionne aussi comme ça. Bah, à l'époque, c'était la même chose aussi. Bah oui, t'avais un Super Mario World qui fonctionnait bien, et hop, paf, t'avais 50 000 jeux de plateforme qui essayaient de faire pareil. Je pense que on parle souvent avant c'était meilleur, mais il y a beaucoup de choses qui étaient exactement pareilles qu'aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui... Je vais pas dire que c'était meilleur avant, mais, comme je disais, il y avait beaucoup plus de prise de risque. Tu vois un jeu comme Another World, qui a été développé par un seul gars, à part la musique, et quand tu y joues, c'est une expérience complète. Bah disons que la technologie le permettait à l'époque de qu'un gars dans son garage fasse son propre jeu, mais aujourd'hui tu verras plus ça, à moins dans la scène indépendante, mais même là, pour un jeu qui fonctionne, combien t'as de 2000 autres jeux qui fonctionnent pas justement? Ce qui m'amène à penser que peut-être, est-ce que c'est possible que le coût de développement d'un jeu, est-ce que ça l'a augmenté considérablement. Parce que peut-être que c'est en partie pour ça que à l'époque, étant donné que produire un jeu c'était beaucoup moins dispendieux que ce que ça coûte de nos jours, ben là disons que t'étais moins à risque d'essayer quelque chose de complètement différent. Tu pouvais te permettre de te planter, oui. Ouais, c'est ça. Ben, de nos jours, manque pas un jeu qui t'a coûté plusieurs centaines de millions à faire, là. On s'entend. Ouais, tu prends GTA, c'est 200 millions, hein. Eh oui, voilà. Oui, eux ça a bien... Ouais, ben, regarde le reboot de Tomb Raider, là, de Square Enix. Ils avaient prévu d'en vendre 7 ou 8 millions, un truc comme ça. Et jamais de la vie, ils ont atteint ça. Alors que derrière, t'as un jeu qui a coûté 120 millions, un truc comme ça. Ça atteint des sommes effarantes, et après tu t'étonnes que l'industrie va mal. Tu veux que je t'explique combien a coûté Flappy Bird? Ok, ça c'est autre chose, ça. Mais justement, c'est peut-être pas nécessairement le budget qu'il a mis derrière un jeu qui va assurer son succès. Bah, il suffit que t'aies un concept, une idée, et après ça fonctionne ou pas. Ah ouais. C'est justement pour ça qu'à l'époque... Justement, à l'époque, t'as beaucoup de jeux que... Aujourd'hui, j'aime bien suivre justement les youtubeurs ou quoi, qui nous permettent de faire redécouvrir des jeux rétro-gaming qu'on n'avait jamais vus. Et dedans, tu trouves des petites perles, mais qui sont passées complètement inaperçues. Parfois, c'est vraiment chouette de pouvoir retrouver justement ces concepts qui ont complètement disparu. Et tu trouves aussi énormément de bouse. Oui. Malheureusement. Ça n'a pas vraiment changé non plus aujourd'hui. Oui, mais comme on disait, à l'époque, comme ça coûtait quand même moins cher, t'avais plus facile de planter. Et il y en a qui faisaient une marque de fabrique de se planter. Que ce soit... Je ne citerai pas vraiment de titre, mais c'est vrai qu'à l'époque, la NES en a accueilli quand même pas mal. Bah aujourd'hui on parle pas que la NES. Justement aujourd'hui on parle beaucoup de productions à licence justement qui doivent coïncider avec la sortie des films et tout ça. Mais à l'époque t'en avais aussi une sacrée tonne. T'as justement des éditeurs qui se spécialisaient là-dedans et les jeux étaient rarement bons. Bah les productions à licence de films, je veux dire 90% du temps c'est rarement bon aussi. C'est clair. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi on pouvait se permettre de sortir un jeu qui était comme ça aussi mauvais. Ben faible coût de production. On mise sur le fait que le film va marcher, donc que les gens vont l'acheter. C'est aussi simple que ça. Tu produis un jeu à faible coût pour le revendre et ensuite produire plus d'argent. c'est même pas une question de bon ou de mauvais, c'est juste que c'est des jeux à commande. Les développeurs ont très peu de temps, ils doivent sortir le jeu au bon moment. Et ça donne souvent des sacrées conneries. Ouais. T'en as certains qui arrivent, même à l'époque, à la NES. Je pense surtout à la Super NES. T'as des éditeurs qui essayaient, enfin des développeurs, qui essayaient vraiment d'avoir un jeu à part, qui se basait sur la licence, etc., mais qui reprenait justement pas le film, qui essayaient de faire leur petit truc à eux. Ce qui était mieux, je trouve. Ouais, c'est justement là où je voulais venir. C'est là où ça fonctionne le mieux. Mais justement, quand ils essaient de reprendre les trames du film, souvent, ça fonctionne pas. Ben oui, ben parce que parfois, un film, c'est pas un contenu suffisant pour un jeu. Si tu as un film qui fait une heure et demie et qui doit avec ça faire un jeu de 10 heures, justement, t'as là. Vraiment un truc comme Thor ou qui sont juste des grosses boules. Alpha a dû en voir passer justement sur la NES et la Super NES. T'as un sacré pagaille de jeux à licence qui sont tout simplement merdiques. Oui, oui, oui, oui. Je confirme. Et donc on va voir prochainement. Je ne veux rien dire. D'ailleurs, ça m'embête parce que dans ma prochaine vidéo, je peux quand même vous dire, il y aura plusieurs jeux et un de ces jeux-là est vraiment une découverte positive d'un jeu qui était totalement inconnu. Personnellement, j'avais jamais entendu parler de ce jeu-là et pourtant. Je le trouve excellent, ce jeu-là. Il y a quand même des petits défauts, et bon, je vais trouver quand même la façon de faire plusieurs gags dessus, mais... Bon, pourquoi je disais ça déjà? Comme quoi qu'il avait trouvé un bon jeu rétro. Ben oui, puis qu'on les connaît pas tous, et que régulièrement encore, on fait des découvertes. Ouais, tant mieux. Ouais. Ben là-dessus, on va doucement arriver à la fin du débat. Et alors, je vais vous poser une question à chacun. À votre avis, est-ce que cette tendance au rétro gaming va commencer à s'essouffler ou pas? Toutes les réponses sont possibles. Hein. C'est clair. Avec l'escalade des prix, l'offre et la demande, le fait que les jeux s'usent et disparaissent, sortent tous les jours du circuit. Il y a beaucoup de facteurs, mais j'ai pas l'impression que ça peut continuer à augmenter aussi vite que ça. Oh, ça doit bien stagner à un moment donné. Ben oui, ça va peut-être continuer à augmenter, mais de façon tellement minime que finalement on pourra dire, bon, c'est stable. De mon côté, j'espère surtout que les prix commencent, des prix des jeux global, on va dire, commencent vraiment à stagner. Et que c'est juste les pépites rares qui vont commencer à flamber, justement. Mais j'espère vraiment que j'espère vraiment que les prix, justement, vont stagner pour qu'on puisse vraiment recommencer à retrouver des trucs un peu plus corrects. Justement, si ça stagne et que tu retrouves les trucs corrects, tu vas en acheter plus et du coup, les prix vont remonter. Ouais, il y a de ça aussi. C'est un cercle un peu. C'est un cercle vicieux. Ouais. Mais est-ce que ça va arrêter? Non, je pense pas. Je trouve, en tout cas, qu'en ce moment, depuis, 4-5 ans, il y a vraiment une prise de conscience de, que le jeu vidéo, c'est vraiment quelque, on tient vraiment quelque chose, que c'est un média qui commence vraiment à prendre de l'ampleur dans toutes les couches de la société. Et il y a vraiment, on se rend compte qu'il y a vraiment une histoire derrière. Et justement, je trouve que on n'a jamais parlé autant de jeux vidéo que maintenant, je trouve. Donc je vois pas comment ça pourrait diminuer. Et je dirais même, on n'a jamais autant parlé de jeux vidéo rétro qu'au moment où les nouvelles consoles sortent. Eh oui. Ouais. C'est vrai. Parce qu'en plus, quand tu regardes que, on entend parler que la PS4 va redevenir plus ou moins rétro-compatible avec la PS1, c'est quoi? D'accord. Ce qui est une excellente nouvelle. Mmh. Oui. ça dépend de quelle manière après. Oui, parce ouais. que si c'est avec leur virtuel machin ou. S'il faut repayer pour le jeu que t'as encore. Oh, ça attends-toi à repayer. Oui, ça je m'en doute bien. Au moins un abonnement pour y avoir accès. Ça c'est attention. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Moi. J'aimais bien le fait que certaines consoles étaient rétrocompatibles. Regarde avec la Game Boy Advance qui lisait les jeux Game Boy, là avec la Xbox 360 qui lisait les jeux Xbox, la toute première PS PS3 en Europe qui lisait les jeux PS2. Bah regarde, justement là on peut reprendre l'exemple de Nintendo. Ils ont toujours plus ou moins fait qu'on puisse rejouer d'anciennes cartouches sur leurs nouvelles, ou les jeux Game Boy par exemple sur les consoles de salon, etc. Eux sont toujours restés dans le truc de la rétrocompatibilité, alors que bizarrement moi je voyais bien avec la Wii, ils ont commencé à rendre la Wii compatible avec la GameCube, et puis le nouveau modèle de Wii n'était plus compatible. Le nouveau modèle de... oui la Wii à 100€ là. Oui, ils ont complètement. La Wii rouge, non, mais entre temps. Non. Oui, je sais. Il y a un modèle plus réduit où ils ont complètement dégagé les ports GameCube et tout ça. Les salauds. Oui, mais ça, c'est... ça, c'est une question de réduction de coûts. C'est pas vraiment de. C'est surtout que la console était en fin de vie, donc on essayait de relancer un petit peu le truc avant de l'arrivée de la Wii. Ça, c'est un autre exemple, ça. Bah oui. Mais bon, est-ce que ça a été le meilleur choix? Ça, c'est une autre question. Ouais. Ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de notre sujet. Et je propose de terminer tout doucement ce podcast avec notre petite rubrique coup de cœur. Donc je rappelle le principe, on doit tous donner à nos auditeurs un petit jeu qu'on considère comme notre coup de cœur du moment, sur n'importe quelle console, qu'on a envie de faire découvrir. Et je vais laisser Alpha proposer son titre. J'en aurais bien un en tête, mais vous allez le découvrir dans la prochaine vidéo. Donc je me tais, je ne peux pas le dire. Mais j'en ai un autre, rassurez-vous. Lui, c'est en partie nostalgique et en partie parce que je l'ai redécouvert récemment et je me disais, mon Dieu, qu'il est bon ce jeu-là. C'est un jeu de Capcom sur la bonne vieille NES. Il s'agit de Darkwing Duck. Ah oui. Master, oui. Ouais. C'est ouais. J'aimais beaucoup ce jeu. C'est un des premiers jeunesses que j'ai terminé d'ailleurs. Ah ouais. J'en garde de très bons souvenirs. Ouais, un très bon platformer. Et bon, moi c'est mon style favori de l'époque, là, les bons vieux platformers à la Mega Man, Mario. C'était ça mon époque, donc ce jeu-là, franchement, il est beau. Gameplay va bien, il y a plein de sortes de concepts, de plateformes et d'ennemis, bref. Tu peux choisir ton niveau aussi, si je me rappelle bien, non? Au départ? Je ne peux pas dire. Non. Il me semblait qu'il y avait 4-5 niveaux de départ et ensuite est-ce que tu en débloques? Bon, je confonds peut-être. Tu ne confonds pas avec Rescue Ranger? Je pense pas. Dans DuckTales, tu peux faire ça. Puis bon. Ouais. J'ai peut-être des mauvais souvenirs. Peut-être qu'on se mélange. Non, je connais le Darkwing Duck, oui, je le connais très bien. Mais Ok, mais tu as raison, puis c'est moi qui. Oh, c'est peut-être moi qui trompe aussi. Hein. Mais je te rejoins, c'est un très bon jeu. Ouais, voilà. On met tout le monde d'accord, vous avez tous les deux tort, c'est moi qui ai raison. Alors. Cédric, à ton tour, qu'est-ce que tu vas nous proposer comme petit coup de cœur? J'en aurais beaucoup à parler, mais si pour rester dans le rétro, j'ai ressorti récemment la Super NES avec Pop and Twinbee. Je sais pas si vous connaissez la série. Oh oui. Ah, c'était bon ça. Oui, non, je connais pas. Tu connais peut-être tu connais un petit peut-être vaisseau avec des points. Ouais, tu connais peut-être Twinbee sur la NES. Ah oui, sur la version NES, oui, absolument. Et oui. Ça, c'est sur la Super NES, c'est le premier qui est sorti. Je pense qu'il a un autre nom, peut-être en Amérique. En tout cas, c'est vraiment un shoot'em up très coloré que j'adore vraiment. C'est d'ailleurs celui-là qui m'a fait découvrir le genre. Est-ce qu'il y a des cloches comme dans les... Oui. Justement, tu tires sur des... Des espèces de cloches là, qui sortent des nuages. Ouais, tu tires sur les nuages et t'as plusieurs cloches qui tombent. Et quand tu retires dessus, t'as d'autres bonus pour améliorer tes armes, ta vitesse, etc. C'est vraiment un jeu très chouette que j'adore. Il est simple sur le concept, mais c'est vraiment... Je sais pas, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ce jeu. C'est divertissant, il est mignon. Oui. D'ailleurs, il y a une suite, mais c'est pas un shoot'em up, c'est un jeu de plateforme. Un jeu de plateforme, oui. Que ça se laisse jouer, mais franchement, j'ai plutôt un coup de cœur pour le Pop and Twinbee. Je vous le conseille si vous connaissez pas. Et pour ma part, j'ai envie de parler pas de la NES ou de la Super NES, mais plutôt d'une console que j'ai eu à l'époque, c'est de la Master System. Et mon coup de cœur, ce sera Golden Axe Warrior. C'est le Zelda de la Master System, avec qui tourne autour du monde de Golden Axe, donc du jeu de Beat'em All qui était en arcade et sur Master System Mega Drive à l'époque. Et c'est vraiment un très très bon action RPG que je vous recommande si vous ne connaissez pas. Il était vraiment très beau, plein de couleurs, un environnement énorme, différents mondes, différentes textures, univers. On retrouve les personnages du jeu Golden Axe qui apparaissent de façon qui vous donnent des magies que on doit aider, et il y a plein de labyrinthes. C'est vraiment un très très bon jeu avec une très bonne durée de vie, et moi je le trouvais même bien supérieur à Zelda pour l'époque. C'est pas un des premiers jeux qui est sorti sur le Master System? Non, je confonds peut-être avec autre chose, mais je pense que j'ai déjà vu tourner. Et c'était amusant parce que c'est mes parents qui me l'ont acheté, et à l'époque j'avais demandé justement Golden Axe parce que j'étais très fan du jeu d'arcade. Je sais plus combien de pièces j'avais foutu dans cette salle de borne. Et je leur avais demandé ça comme cadeau de Noël. Ils m'ont sorti Golden Axe Warrior. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça ne ressemble pas du tout au jeu que je voulais. Et finalement je suis resté, je crois qu'il a resté pendant 6 ou 7 mois dans ma console non-stop. Donc j'ai définitivement accroché aux actions RPG rien qu'avec celui-là. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux qu'on a découverts comme ça grâce à nos parents. J'en ai quelques-uns aussi. Ouais, moi c'est déjà arrivé quand j'étais jeune, j'avais demandé des jeux de SNES, Super Nintendo. Et mais ça avait été pas une bonne expérience. Il m'était revenu avec Mario and the Time Machine. L'espèce de jeu de mathématiques ou un truc comme ça. Éducatif, ouais. Ouais, de géographie, de trucs comme ça. J'ai essayé, je comprenais rien. Je demandais à mon père comment qu'on joue. Et là, il s'est assis avec moi, il a essayé, mais lui-même ne comprenait pas rien. Donc, il a renvoyé le jeu au magasin et bon. C'est sûr qu'on fait pas toujours des bonnes pioches. J'étais déçu, ouais. Ouais. Bon, il voulait bien faire et je savais pas, bon. Ben, c'était souvent comme ça, mais on était aussi comme ça. Vu qu'on n'avait pas beaucoup de médias pour pouvoir se repérer, on regardait la boîte et on se dit « Ah ben oui, ça a l'air sympa, allez, je vais prendre. » Mario est là, ça ne peut qu'être un bon jeu. Je vais pas répondre à ça, mais... Voilà, dans la plupart, je dirais oui. Du point de vue d'un parent de l'époque, ça. Ouais. C'est sûr. Eh bien voilà, je pense qu'on va pouvoir clôturer ici. En tout cas, un grand merci à notre invité spécial Alpha pour sa présence. Un grand merci à toi d'être. On se retrouve pour notre prochain podcast. À la prochaine tout le monde, et bonne soirée, et surtout jouez à des jeux. Ah oui, c'est l'esprit qu'il faut en retenir. Et oui.